Bon, on m'a demandé de présenter, et puis ensuite je passerai la parole aux autres. Donc, bienvenue, bonjour à toutes et à tous, ou à tous, comme certains écrivent dans les mails, bonjour à tous. Et donc, je vais vous présenter les membres du bureau, où chacun va se présenter, Evelyne, Marie, Sophie, et deux absentes, Martine Kaiser et Anne-Marie-Claire. Voilà, donc tu peux te présenter en deux mots. Et Jacques Laurent. Donc nous sommes six, et Sophie, on est six au bureau. Et il va nous falloir prendre un secrétaire de séance parmi le bureau et un dans l'Assemblée pour traditionnellement le fait pour qu'il y ait un contrôle, un meilleur contrôle. Donc on a deux secrétaires de séance. Donc je passe la parole Tu veux bien être secrétaire de séance dans l'Assemblée ? Oui. Un volontaire ? Oui. Merci. Votre nom ? Mon nom, alors peut-être qu'il est inscrit Villard. C'est bon. Prénom ? Bon, prénom. Christine. Vous avez de quoi prendre des notes ? Vous avez des notes ? Ah non. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, moi, je vais faire le secrétaire de séance pour le bureau. Ouais, très bien. Et vous avez assez de feuilles ? C'est bon ? Il y a un carnet. Il y a deux feuilles et un petit carnet. Et vous avez inscrit un stylo ? Oui. Bon, parfait, tout est bon. Jacques, t'as un stylo ? Oui, c'est bon. Donc, vous vous présentez rapidement aujourd'hui. Je prends mes photos, mais ce n'est pas pour les publier nulle part. Je les enverrai à Kermelaine, et s'il y en a qui sont intéressés, vous verrez avec vos états. D'accord, merci. Merci beaucoup, super. Je ferai la même chose si vous m'y autorisez. J'ai déjà commencé d'ailleurs. Bien sûr. On avait invité la presse ici. Ouais, voilà. Vous pourrez leur envoyer une lettre. Qui Lequel Laquelle Tu sais qui veut venir Non. C'est pas moi qui me suis occupée. Mais c'était Ouest-France ou Télégramme Ils viendront peut-être au cours de. Oui, voilà. C'est ça. Ce qui est Oui. Tu veux prendre une photo Alors, je suis Evelyne Debray. Je suis associée depuis le début au Genefra de Kermelaine et je suis dans la co-gérance depuis 9 ans. Et voilà. Donc, j'habite Landévent, donc c'est à 10 minutes d'ici, donc c'est pas très loin. Jacques Laurent, non, je suis dans le bureau que depuis un an seulement. Non, deux ans, puisque l'an dernier nous avions eu. C'est la salle qui m'intéresse. Nous n'avions pas fait d'assemblée. On est fait par correspondance. Et sinon, je suis sociétaire, c'est comme ça qu'on dit. Associé depuis 4 ou 5 ans, en fait, je ne sais plus. Voilà. Alors, moi, c'est. Marie-Bonne-Siègle. Plus fort, chérie, s'il te plaît. Je suis associée depuis le début et co-gérante depuis 3 ans avec un an d'essai avant, donc ça va faire 4 ans. Voilà, donc j'ai eu l'occasion de faire l'assemblée du Covid, quoi. Voilà, et donc c'est ma première vraie assemblée générale. Voilà. Je suis Sophie Lelin Loiseau, je suis la fermière du GFA. Donc je suis à l'initiative du projet, parce que le GFA a été créé donc pour moi, pour mon installation en 2011, enfin l'installation en 2012. Le GFA a acheté en 2011, mais l'installation c'est 2012. Et je suis aussi donc co-gérante du GFA depuis la création du GFA. Et pour des raisons personnelles, je quitte la gérance. C'est à la fin qu'il fait des rangs, les autres. J'aurais dû attendre l'élection des gens qui venaient. Pour des raisons personnelles. Et qui de la gérance ? Pas la ferme, hein, non, je suis plus alors donc fermière. Voilà. Plus que fermière et pas voilà. Bon, le mot d'accueil, c'est OK. Désignation des secrétaires. Je vais prendre l'ordre du jour, ça ira plus vite. Tu veux que je préside? Oui. Donc, mot d'accueil, la co-gérance, c'est OK. Désignation des secrétaires de séance, c'est toi. Oui. C'est Jacques et Madame c'est Viard. Madame Viard. Merci, Madame Viard. Donc, adoption, donc il faut qu'on les co-gérants se doivent de vérifier que vous avez bien reçu par mail ou par courrier tous les documents qui vont être débattus et qui sont à l'ordre du jour. Donc le premier poste, et on doit voter, c'est est-ce que vous avez bien reçu le procès verbal de l'Assemblée Générale de l'année dernière? Oui. Mais il y avait quand même, oui. Oui, je votais. Oui. Donc il y avait l'Assemblée Générale Ordinaire et l'Assemblée Générale Extraordinaire. C'est un moment important pour nous, puisqu'il y avait les sessions acquisition de parts. Pour votre information, on est passé de 109 associés à 133. Donc c'est de plus en plus de travail. C'est pour ça que c'était pas aussi compliqué avant, mais ça devient compliqué. Donc il va falloir qu'on change notre façon de gérer. Donc, est-ce que vous avez des questions à poser à propos de ce PV, procès verbal, qui concerne l'Assemblée Générale Ordinaire et l'Assemblée Générale Extraordinaire de 2021? Pas de précision. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Donc c'est vote à l'unanimité. Ah oui, normalement, il faut lever... Oui, ouais. Bon. Enfin, ce sera plutôt dans le cas où ce sera abstention et contre. Oui, oui, ouais. Mais j'aime bien dire pour aussi, parce que hier, j'étais à une autre AG, à deux AG, hier à Lorient. Ça dormait. Et c'est qui s'abstient, qui est contre, et puis qui est pour. Personne. Moi, j'en ai marre de voter contre. Ouais. Je veux voter pour. Oui, vous avez raison. Hein? Donc, d'ailleurs, j'ai oublié de voter. Moi aussi, sinon, il n'y a pas l'unanimité. Merci bien. Donc, adoption du procès verbal de l'Assemblée Générale 2021 à l'unanimité. Attends, alors, je ne sais pas quand. Moi, j'ai quelques questions à poser, mais je ne sais pas quand les poser, en fait. Bah, vas-y, Michel. On est entre nous. Hein. Je ne sais pas si c'est 2021, 2022. Moi, j'avais... Moi, j'avais des questions à poser pour... Bon, j'en ai déjà discuté avec quelques-uns d'entre vous, parce que avant la AG, oui. Donc, en fait, je trouve que c'est quand même... Même si j'ai eu des réponses, je trouve que c'est bien de les poser quand même devant tout le monde. Ah, mais c'est le but, hein, de l'Assemblée Générale. Donc, moi, le premier truc qui m'avait interpellé, c'est que c'est par rapport à la taxe foncière. Ah, bon, depuis, alors, on a répondu, mais bon... Ouais. C'est l'année d'après. Alors, Michel, est-ce que... Ça, c'est l'année d'après, peut-être. Est-ce que tu peux... Parce que là, on suit l'ordre du jour. Ouais. Et on va avoir le rapport d'activité, donc qui va être lu. Après, il va y avoir le rapport financier. Et moi, je vais aborder la taxe financière dans le rapport financier. Et tu pourras, si tu veux, soit poser ta question dans le cadre du rapport financier, parce qu'il y aura un vote aussi. Ou si tu as oublié, tu pourras toujours poser ta question. D'accord. Après. Mais parce tu préférerais que poser tes questions dans, pour 2021, et je voyais qu'il y avait le rapport financier de 2021, et c'est là-dessus que j'ai des questions à poser, en fait. Ouais, mais là, si tu veux, 2021, c'est sur le procès verbal. C'est-à-dire, c'est d'accord. Le document officiel. Okay. En fait, c'est, si tu veux, le procès verbal 2021, c'est le compte-rendu de l'Assemblée Générale de l'année dernière. D'accord. Alors... C'est vrai que nous, je peux vous assurer, on est un peu stressés aujourd'hui parce que ça fait 2 ans qu'on n'avait pas fait de présentiel. Oui. Et donc, il a fallu remettre la machine en route. Et au niveau organisation, ben, vous voyez, c'est pas évident. Mais on a fait ça en distanciel. C'était encore plus de travail. Et c'est très frustrant. Donc, on est super contents. C'est vrai, on veut vous le redire. On est super contents de vous voir en vrai. Nous aussi. Ouais. Voilà. On a pas envie de le dire quand même. Bon. Et donc voilà. Mais Michel, si non, tu mais veux, j'ai compris, j'ai si, compris. Alors, moi, si tu je suis me d'accord. Dis pour la taxe foncière, je suis d'accord sur les PV. Mais ouais. De toute façon, ça s'est passé comme ça. C'est ça qu'il faut voter. On n'a rien ouais, à dire sur les PV. Voter. Après, on va discuter d'autres questions. Du rapport d'activité. Voilà. Ouais, voilà. Donc moi, si tu veux, je suis l'ordre du jour. Mais si tu as oublié de poser une question, tu pourras la poser après. Mais il n'y a pas de souci. Mais je retiens que pour le rapport financier, tu poseras la question sur la taxe foncière. Oui. Il y avait une autre question, sinon Ouais, sur le fermage, et puis une question plus générale. Moi, j'aurais voulu qu'on voit un peu plus clair sur l'avenir du GFA, c'est-à-dire quel est le budget du GFA tous les ans. Par exemple, il y a eu des réparations de fait sur le hangar. Mm. On a été obligé d'augmenter le capital pour pouvoir les faire. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire à l'avenir, comment on trouve que c'est mieux pour que le GFA fonctionne, pour le GFA lui-même, mais aussi pour la paysanne, quoi. Oui. Moi, de toute façon, je suis au GFA, c'est pour Sophie ou quelqu'un d'autre qui aura pris la ferme. Mm. Je ne suis pas là pour être au GFA, quoi. Mais je suis d'accord avec toi. Mais c'est des questions qu'on va aborder et qu'on se pose aussi nous-mêmes au niveau de la co-gérance. Il n'y a pas de souci. Ça va être abordé plutôt dans le rapport financier. D'accord. Parce que je vais détailler le rapport financier et on va aborder justement les 6 000 euros qu'on a dû trouver pour renforcer le bâtiment. Donc tout ça sera abordé dans le rapport financier. Il n'y a pas de souci. Donc le rapport d'activité... le rapport d'activité, c'est qui devait le lire? Toi. C'est pas moi, je fais pas tout. Hein. C'est toi là. Tiens, je te l'ai inscrit. On vous le relit, même si vous l'avez reçu. Alors, et comme bon, ça, si vous avez des questions, vous posez des questions. Depuis l'Assemblée générale du 6 juin 2021, les co-gérantes et co-gérantes se sont réunies 13 fois. Je ne dois pas dire les dates, si. Il faut que je dise les dates. Donc, les co-gérantes ont signé le procès-verbal des assemblées générales ordinaires et extraordinaires du 6 juin 2021. Ces assemblées s'étant passées en distanciel, nous avons communiqué par mail ou courrier avec vous. Nous vous avons envoyé le formulaire de vote pour les AGS et le 18 juillet 2021, vous avez reçu les résultats des votes par mail. Suite à la cession de parts sociales, nous avons procédé à l'enregistrement des actes auprès du service de la publicité foncière des entreprises de Vannes avant de remettre le dossier au greffe du tribunal de commerce de Lorient. Nous avions au préalable rendu visite aux cédants, vendeurs et aux cessionnaires, acquéreurs, afin de leur faire signer l'acte. Cela nous a permis de rencontrer les nouveaux associés pendant la période où on ne rencontrait personne. En décembre, à notre grande surprise, le greffe du tribunal de commerce de Lorient nous a retourné le dossier complet. Motif de ce retour, refus d'inscription. À ce jour, nous n'avons toujours pas d'extrait cabis. Ce refus n'occasionne aucune gêne au bon fonctionnement du GFA. Au moment où nous rédigeons ce rapport d'activité, nous avons bon espoir de résolution de ce problème dans les plus brefs délais. L'ouverture du capital nous a permis de financer des travaux de renforcement sur le hangar, travaux réalisés par l'entreprise Iroco. Nous avons réfléchi à l'installation de panneaux photovoltaïques sur le hangar pour une production d'électricité. Jacques a contacté un expert de la SCIC Luciole Énergie. Celui-ci est passé en décembre pour vérifier la possibilité d'implanter des panneaux photovoltaïques sur la toiture du hangar. D'après lui, il existe deux obstacles potentiels à ce projet. Une surcharge devrait être assurée par la toiture. Une étude de solidité de la charpente devrait être réalisée par un bureau d'études et validée par un bureau de contrôle. 2. Le transport qui est évalué à 63 kW est situé en haut de poteau à environ 600 mètres de la ferme. Cet expert émet de sérieux doutes quant à l'acceptation de ce projet de la part d'Enedis. Le 15 mars, les co-gérantes et co-gérants ont finalisé la préparation de l'AG du 15 mai, dont tous les associés ont été avertis de la date lors de l'envoi des vœux. Facture du fermage. La facture du fermage d'un montant de 2048,68 euros a été remise à Sophie et réglée en février 2022. La convocation de l'AG 2022 a été envoyée aux associés le 25 avril. Nos dernières réunions ont été consacrées à la préparation de l'Assemblée générale ordinaire et à l'organisation de la fête d'anniversaire des 10-11 ans du GFA de Kermelec. Pourquoi ça a été refusé? Alors c'est le gros problème avec le greffe du commerce, et ça devient compliqué parce que le centre des impôts avait des prérogatives, et maintenant c'est le greffe du commerce qui s'occupe du CFE, centre de formalité des entreprises. Donc nous, on avait envoyé tous les documents au greffe du commerce parce qu'on savait que c'est eux qui avaient pris la main. Et l'acte de cession, en fait, l'acte de cession, je vous rappelle, c'est une AG en distanciel. Donc nous, co-gérants, on a signé l'acte de cession, c'est-à-dire toutes les parts qui ont été vendues et achetées sont comptabilisées avec les numéros, le nom des vendeurs, des acheteurs. Tout est fait dans la règle de l'art. Mais nous, on a ce document, donc c'est un acte notarié quelque part, donc un acte de cession de part et d'acquisition. On a signé, les co-gérants ont signé. Et c'est ce qui s'est fait depuis 10 ans. Enfin, nous, on est à notre troisième cession acquisition, on a toujours fait ça. Et là, le greffe a gardé nos documents pendant 2 mois, et au bout de 2 mois, il nous renvoie le bébé en disant « Ah ben non, d'abord, c'est pas nous qui nous occupons de l'acte de cession, et en plus, c'est pas à vous de le signer, vous devez le faire signer par les vendeurs et les acheteurs. » Donc nous, on a pris notre bâton de pèlerin, on s'est organisé, on a regroupé tous les gens qui habitaient dans la même commune, et on s'est dispatché les signatures. Donc moi, j'ai fait plutôt Cuvigné, Landévent, etc. Marie-Claire, qui a fait un contact aussi. Et le même document, on s'est bien organisé, en 15 jours, c'était fait. Hein. Et on a demandé au service d'enregistrement de Vannes, parce que c'est eux qui s'occupent de ce document-là, est-ce qu'on pouvait faire une procuration pour les gens qui habitaient Paris, etc. Est-ce qu'ils acceptaient une procuration exceptionnellement en raison du Covid? Donc ils ont dit oui. Donc Martine, elle en a eu, parce que c'est Martine, notre gérante légale, elle en a eu au moins une quinzaine de procurations. Et sinon, et c'est pour ça qu'on a fait votre connaissance, parce qu'on a fait du porte-à-porte avec notre acte de cession original. Alors il est un petit peu vieilli, hein, parce qu'il est passé de main en main, et on vous a fait signer cet acte de cession-là. Voilà. On a déposé tout ça au greffe du commerce ensuite, et on a des tracasseries avec le greffe du commerce depuis. À l'Orient. Incroyable. À l'Orient, voilà. Donc, ils ont commencé à lire page à page, à trouver une petite erreur, et puis voilà. Après... Alors, ils prennent le document, ils prennent le premier dossier. Ah, Martine Malégol, on ne sait pas qui c'est. Bon. Donc, ils nous envoient une lettre. On ne sait pas qui c'est Martine Malégol. Parce que moi, j'ai commencé à faire des courriers, et après, je signais Evelyne Debray, co-gérante, et après Martine, elle a signé Martine Malégol, gérante légale. On ne sait pas qui c'est. Elle était avant moi. Hein. Donc, on a envoyé le PV de sa nomination, de son élection, plus le PV de l'année dernière qui la désignait gérante légale, donc elle remplaçait Jérémy. Il ne comprenait rien, le gars. Donc, il y a eu ça, après il y a eu autre chose. En fait, c'est au coup par coup, comme ça. Alors, ça fait 3 fois. Et à chaque fois, ils nous piquent des sous. Donc, à ce moment, ils nous ont enlevé des sous. On a des frais, des factures. Et on n'a toujours pas notre calice. Parce que là, l'acte de cession, ils n'acceptent plus l'acte de cession dans la globalité, c'est-à-dire les 371 parts. Imaginez le boulot, hein. 371 parts qui ont changé de main l'année dernière. Eh bien, maintenant, il faut faire un acte de cession par acheteur, enfin, vendeur-acheteur, vendeur-acheteur, vendeur-acheteur, et à chaque fois, 125 euros ou 5% du montant de... Et ça va nous faire plus de 1000 euros de frais si vraiment la loi s'applique. La loi de finances en 2020, elle a changé. Avant, les GFA, ils avaient... C'est une option SCI, hein, c'est le même statut qu'une SCI, le GFA. Sauf qu'on était un peu gâtés par l'État parce qu'il nous accordait un forfait pour les modifications de 125 euros. D'accord. Et bien maintenant, voilà. Et la loi est passée, on ne l'a pas su. Et on ne l'a pas su parce qu'on n'est pas abonné. Et tout, c'est pour ça qu'on a décidé en co-gérance de s'abonner à Terre de Liens, puisqu'ils ont des juristes, ouais. Mais même eux, les juristes, ne savaient pas. Parce que moi, j'étais à l'Assemblée Générale de Terre de Liens la semaine dernière, et je vais m'atteler à cet atelier-là, parce que la juriste va travailler sur ce dossier-là, et on va essayer de faire changer la loi pour les GFA, sinon c'est la fin des actions à 100 euros, c'est la fin. Aussi, il faut dire aussi, Evelyne, c'est ce qu'ils veulent, parce que Evelyne, le greffier, t'a dit qu'on n'était pas compétent pour gérer un dossier aussi compliqué, et que donc il fallait qu'on fasse appel à un cabinet professionnel, et on n'a pas encore le coût de cette gestion. Il décourage le bénévolat, le militantisme. On sait comment faire. Bon, là, c'est vrai, avec les procurations, on sait ce qu'il faut faire et pas faire maintenant, mais au niveau des procurations, mais au niveau des papiers, au niveau de la réglementation, on sait ce qu'il faut faire. Sauf qu'on sait, maintenant, c'est un service, c'est les frères Goulawen, qui est une entreprise depuis 2016 à Lorient, qui travaille pour le service, qui est donc une société privée, qui travaille en sous-traitance pour le service public. Et le gars, il m'a dit, moi, je ne suis pas là pour vous conseiller, je suis là pour vous contrôler. Et si vous êtes incompétente, vous n'avez qu'à prendre un juriste ou un homme de loi pour faire votre dossier. Et parmi les actionnaires, alors que ça fait 11 ans quand même qu'on travaille là-dessus. C'est une bonne question, ça. C'est une très bonne question. Il faudrait la poser. Oui. Laquelle ben, Est-ce qu'il y aurait des compétences dans nos associés? Oui. Est-ce que quelqu'un connaît un juriste? Alors, Terre de Liens a un juriste, mais pour l'instant, ils ne sont pas au courant. Mais... Pas disponible. Elle n'est surtout pas disponible, elle a trop de boulot. Donc, est-ce que quelqu'un connaît dans son réseau une juriste qui pourrait nous aider? Il faudrait le mettre dans le compte rendu aussi et demander à chacun. Peut-être qu'il ne connaît pas personnellement, mais peut-être qu'il a un copain qui est cherchant. Oui. Voilà, parce que on s'accroche, nous, on va trouver la solution. Alors, je vous rassure, hein, ce n'est pas parce qu'on n'a pas notre cabis qu'on ne peut pas fonctionner, parce que la preuve, hein, on est là aujourd'hui. Mais c'est par rapport aux tiers, c'est-à-dire que n'importe qui va se connecter au grève du commerce et va savoir qui est associé dans le GFA, combien il a de parts, etc. Parce que c'est une information publique. Donc pour l'instant, les nouveaux, je vous le dis quand même, les nouveaux et nouvelles associés qui ont acheté des parts l'année dernière ne sont pas encore dans la boîte du grève du commerce. Donc c'est toujours les anciens associés qui sont officiellement sur le en information sur le service public. Mais de toute façon, on a un petit peu d'argent de côté, donc s'il faut payer 1 000 euros pour l'acte de cession au lieu de 125 euros, mais ce qui nous énerve, nous, c'est que le service d'enregistrement à Vannes nous a pris 125 plus 13 euros de pénalité parce qu'on est arrivé trop tard avec nos documents. Donc ils ont pris 138 euros, donc on s'est dit c'est bon quoi. Et le greffe, il refuse ce document-là. Donc ils nous prennent l'argent, mais le greffe refuse. Donc, on va se dépatouiller. Quand est-ce qu'on demande un rendez-vous à M. Pain et puis on y va? Joël Labbé. Les deux. Joël Labbé, lui, il est plus dans notre partie que M. Pain. Il est ici, Pain. Il n'est pas invité aujourd'hui, on aurait dû l'inviter. Parce qu'il aime beaucoup venir. Non, mais sans médisance, ça. On aurait eu quelque chose à lui dire de concret. C'est pas trop tard d'aller le voir. Hein. Et puis en période électorale, ça marche mieux souvent. Déjà, là, il y a les législatives en juin, donc on essaiera. On va laisser décanter ça parce que ça a été trop la prise de tête. Ouais. Nous, on est déçus. Oui, mais moi, ce que je souhaitais, c'est qu'on le voit avant les législatives, justement. Avant. Bien sûr. C'est maintenant qu'ils sont disponibles à rendre service. C'est pas dramatique d'en arriver là, mais on sait bien qu'ils veulent notre peau. On a compris ça. Alors, on va la vendre très cher. On choisit aujourd'hui. On n'a plus trois options aujourd'hui. C'est dramatique, c'est vulgaire. Ça fait longtemps. J'ai une voisine qui est juriste et qui m'a dit que les tarifs des enregistrements des actes avaient changé en 2020. Donc effectivement, c'est plus cher. Et aussi, par rapport à nous, elle pense que c'est pour éviter d'acheter des terres, comme quand ils avaient acheté le Larzac, tu vois, mais le prétexte est le blanchiment d'argent. Bien sûr, on le sait. Mais bon, comme Evelyne a dit tout à l'heure que les GFA quand même allaient essayer de défendre leur ancien statut par rapport au greffe de commerce. Et je pense que Claudine, elle a raison, c'est qu'on devrait aller voir les deux députés, là, pas un, et le sénateur, là. Le sénateur Joël Labbé. Joël Labbé, maintenant, le plus rapidement possible, et puis voilà, et aussi le faire publiquement. En parler publiquement, faire un article pour dire qu'est-ce qu'il y a. Parce qu'ils n'aiment pas du tout. Ouais. Mais on fait un compte rendu. Il faut faire tout ce qu'ils n'aiment pas. Poli. Bon, ben on le fait alors. Ah oui, oui. Levez le doigt, c'est doit y aller. Moi, je suis arrivée là. C'est dramatique. Qui veut y aller? Allez, levez le doigt. Alors, on est nombreux. Alors, on va y aller à nous. Moi aussi. Allez, c'est notre nom avant de partir. Par contre, il faut qu'on soit au courant. Bien de ce que vous nous avez dit, si vous souhaitez. On peut faire une délégation et les gens qui sont vraiment bien au courant, comme Evelyne par exemple qui nous a expliqué, on discute directement. Il faut préparer une rencontre comme ça. Ah oui, oui, il faut pas aller. Eh bien merci, parce que c'est vrai que c'était dur. C'est pas fini. Toutes les nuits, ils votent. Vous le savez bien, parce que ça leur apporte plus la nuit. On ne va pas se laisser faire. Bon. Et quelles sont les conséquences de ne pas avoir de cabis au niveau commercial, par exemple? Je vous l'ai dit, on peut continuer à fonctionner. Sauf que là, par rapport au tiers. Par exemple, imaginez l'année prochaine, on doit faire une assemblée générale extraordinaire. Pour une raison, on ne pourra pas la faire. Parce que les nouveaux associés ne sont pas encore inscrits au greffe du commerce. C'est toujours les anciens. Tant que le greffe du commerce n'a pas acté. Le CABIS, c'est la liste des nouveaux associés. D'accord. Donc, on a un dossier, je l'ai avec moi, il est comme ça, avec les statuts, tous les CERFA qu'on a remplis, ça prend un temps fou. On y aille en groupe. La trouille, comme ça, ils nous balayent. Non, parce que c'est une AGE, c'est en interne. On ne communique avec le greffe que pour les AGE. D'accord. Donc, Assemblée Générale Extraordinaire, c'est changer les statuts. Voilà, vous pouvez dire, par exemple, nous, on veut 10 co-gérants au lieu de 5, enfin tout ce qui concerne le changement de l'organisation, le nombre de co-gérants, les statuts, dans les statuts, il faudrait les relire, mais c'est l'AGE. Et une AGE, c'est forcément une déclaration de greffe du commerce. Et là, pour l'instant, nous, on est bloqués à notre AGE de 2018. Ils n'ont pas tenu compte de notre AGE de 2021. L'immatriculation est toujours la même. Oui. On a toujours notre numéro. Elle existe bien. Notre société existe, oui, c'est ce que je vous ai dit. Qui a été libérée lors de la création. Oui, Maintenant, c'est suite au mouvement de départ. Tout à fait. Ils sont revenus à jouer. C'est ça le CABIS. Ouais. Il est renouvelé quand il y a un changement de main, enfin quand les parts changent de main. Les associés, les numéros, les associés changent, mais il y a des associés qui restent, comme moi, j'ai vendu des parts. D'autres associés qui achètent des parts, donc tout est remodifié, mais ça c'est l'AGE, c'est hyper important. Et en fait moi je suis en relation avec un autre co-gérant de Lanvaudan qui connaît pas mal de choses, j'ai appris beaucoup de choses avec lui aussi, et il me dit te prends pas la tête Evelyne, pour l'instant laisse décanter tout ça parce que c'est dur. Parce que c'est beaucoup de travail et c'est décourageant, quoi. Et il m'a dit, faut laisser vous décanter, vous prenez du repos. Et après, on va repartir sur des bonnes roues. On va reprendre, Martine et moi, le dossier à zéro pour voir, pour reprendre et puis simplifier. Mais on est en face de gens qui sont bouchés de chez bouchés. Et qui nous prennent pour des merdes. Ils ne sont pas bouchés. Ils sont cons. Ils sont ni bouchés ni cons. Ils savent ce qu'ils font. C'est ça. Non, mais on n'a pas les mêmes objectifs. Oui, parce que non, mais maintenant, on va y aller en nombre. Il ne faut pas les laisser nous emmerder comme ça. Si un enregistrement coûte 124 euros, on ne pourra plus dire j'ai deux parts dans un GF1. Ouais. Voilà. En fait, c'est la pérennité du système. Bien sûr. C'est voulu, il faut extraire. Parce que, par exemple, si on a une part et qu'on la vend et qu'il y a 124 euros de frais sur l'acte, ben en fait, ça n'a pas de sens. Ça tient pas de sens. Il faut. Voilà. Non, mais le système est fait pour vous acheter comme elle dit, c'était il y avait une exception pour GFA. Pourquoi elle a été enlevée? Il faut réclamer que ça reste, quoi. Exiger. C'est la loi de finances 2020. Oui, c'est ça, comme par hasard. Oui, pourquoi c'est tu viens de dire que le système est fait pour favoriser la transaction de grosses parts plutôt que de petites parts. Oui, parce que le frais d'acte, si tu vends 100 parts, ouais, tu as 124 euros. Si tu vends une part à 100 euros, tu as 124 euros de frais. Non, tu as 5%, mais un minimum de 25 euros. Mais un minimum de 25 euros. Voilà. Avant, c'était un forfait de 125 euros pour l'an. Par exemple, nous, on a changé de main. Ouais. 371 parts pour changer de main. Ouais. Ça nous coûtait avant 125 euros. Ouais. Donc, super. Ouais, ouais. Parce que tandis que là, maintenant, c'est entre un vendeur, imagine par exemple Viviane qui a vendu plus de 150 parts, mais elle a vendu 10 à 1, 10 à l'autre, 20 à 1, etc. Et bien, à chaque fois qu'elle vend, 125. C'est 5% du montant. Donc, si tu arrives en dessous de 125, c'est ça. Et ben, c'est 5%. Ouais, ouais. Et sinon, c'est 125 euros. Ouais, ouais. Mais à chaque... À chaque fois. Donc, mais ça fait... Et par contre, si tu vends, par exemple, 100 parts à la même personne, un seul individu, et ben ça coûte moins cher, c'est 125 euros au lieu de 500 euros, parce que 5%. Voilà, d'accord. Tu vois, enfin oui, parce qu'il faut dire que 100 parts, c'est 10 000 euros. Hein, parce que, il faut, donc, normalement, 5% de 10 000, c'est 500. Et ben non, c'est 125 euros. Donc plus la part est petite, plus ça coûte cher. Et donc, on se dit, ce système-là est fait pour les gros porteurs de cartes. Et comme moi je suis rentrée dans le GFA, c'était pour ouvrir au maximum, et tout le monde n'a pas les moyens de mettre 1000 ou 2000 euros dans une action militante. Donc, 100 euros, c'est abordable. Et bien, s'ils continuent à appliquer cette loi-là, c'est la fin de notre façon de fonctionner à nous. Ce sera... Et puis tout, alors avant un décès, on pouvait tout regrouper. Les décès, on avait 6 mois, donc il faut en respecter pas. Mais... Et puis on déclarait tout le monde en même temps. C'était 76 euros. Et bien maintenant, c'est 76 euros par décès. Ouais. Enfin, tout est comme ça, quoi. C'est une machine à fric. Voilà. Et je pense que le monsieur qui est en face de moi, monsieur Gourlaouen, le gérant, visiblement il était agacé par notre GFA parce qu'on est nombreux, que c'est des petites parts et que ça lui fait du travail et qu'il n'est pas assez payé par l'État pour faire ce travail-là. Ouais. Donc il essaie de nous changer de métier. Donc moi j'ai avalé mes larmes, ma rancœur, ma colère. Je l'aurais bousillé ce mec-là tellement il était. Hautain, méprisant. Il y avait des stages, ma chérie, pour mais ça, il faut qu'on en fasse. Non, nous dire qu'on est incompétent, dans le militantisme, et je lui dis, monsieur, vous avez peut-être fait l'école pour apprendre ce que vous savez, mais moi j'ai appris ce que je sais, c'est en faisant. Et c'est grâce à des ondes positives, grâce à des belles personnes, c'est une belle entreprise, tout ça. Et eux, ils cassent tout, là, avec leur mépris. Moi, je ne supporte pas ça. Là, il n'a pas un chef. Je ne supporte pas ça. Ben, c'est le tribunal de commerce. Alors, il m'a dit, alors, en plus, sur la lettre, c'est marqué, si vous n'êtes pas d'accord, c'est le tribunal administratif, le tribunal de commerce. Alors, il me dit, de toute façon, vous n'avez pas de choix. Je dis, bah si, l'alternative, c'est de saisir le tribunal. Il fait, vous pouvez toujours essayer. Voilà, l'air de dire, alors, si en plus, on saisit le tribunal, que c'est aussi... une société privée qui gère le service public. Ah, c'est enfin, oui, le service public, ben, c'est ça maintenant. C'est ça. Ben oui, hein. Voilà. Compte sur eux. Et avant, moi je vois en 2019, j'ai aidé le GFA de Plumilio de Yann à Brigitte et Bernard sont là, ils connaissent Brigitte les co-gérantes. On a été tous ensemble à l'accueil, au greffe du commerce. On a montré le dossier. Elle a regardé les papiers. Elle fait ah non, c'est pas ce papier-là qu'il fallait remplir. Nous, on croyait que c'était une non-condamnation. Et en fait, c'était comme quoi on n'avait jamais eu de condamnation pour gérer un commerce. Donc, on a changé. Elle nous a dit, c'est ce papier-là qu'il faut remplir. On a signé, on était tous les 6, on a signé, rempli le papier, on a donné. Notre dossier était complet. 3 semaines après, on avait notre cabinet. Et on avait l'accueil, le conseil. Maintenant, vous ne pouvez plus aller au greffe du commerce comme ça. C'est fini. C'est terminé. Donc, on refera une tentative. Parce que Martine, qui n'est pas là, c'est dommage, mais elle a travaillé, elle est à la retraite, elle a travaillé au centre des emplois de Ray. On va reprendre de nouveau, comme s'il était vierge, le dossier. C'est-à-dire on ne va pas tenir compte des courriers qu'on a eus successivement, parce que le pire dans l'histoire, c'est que nous, on a tout l'historique. Bon, je vous l'avais écrit, mais ça va rallonger. On a tout l'historique. On montrera ça au sénateur Joël Labbé, aux députés. Mais... quand on leur parle de cette historique-là, à ces gens-là, là, c'est M. Gourlaouen, ils me disent « Oh, ben moi je ne suis pas au courant, En fait, ils n'ont gardé que les deux derniers courriers. Le reste, c'est oublié. Pas. Dans la mesure où ils ont rendu le dossier, on est à la poubelle. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus d'histoire du conflit qu'on a avec eux. Et ce qu'ils nous ont demandé tout au début, maintenant ils nous demandent autre chose. Je dis, mais attendez, vous n'êtes pas logique. Et bon, ben voilà. Donc, vous comprenez ma colère, hein, et mon émoi, mais je vous rassure, on va y arriver. Vous méritez un applaudissement général, je trouve. Hein. Mais n'ayez pas peur, parce que... Oui, il n'y a pas de raison. Puis moi, j'ai décidé de travailler avec Terre de Liens, Bretagne. Et j'ai un rendez-vous au mois de juin dans les Côtes d'Armor. Et je vais travailler avec la juriste sur ce problème-là. Et je m'engage à, quitte à ce que je laisse un petit peu les GFA de côté, mais en appuyant toujours, en leur donnant toujours des renseignements s'ils me le demandent. Mais je vais essayer de travailler avec Terre de Liens pour dénouer, pour changer la loi pour les GFA. Parce que c'est l'objectif de la juriste. Elle a été, Terre de Liens a débloqué des fonds au niveau européen et elle va faire ce travail-là de recherche pour changer la loi, pour que notre côté, pour que notre aventure militante revienne comme avant. Voilà. Qu'on soit défendu par l'État. De toute façon, le dossier existe, ils ne peuvent pas l'effacer non plus. Non, ils n'auront pas gain de cause. Bon, ben voilà, si vous avez d'autres questions. C'est Evelyne, hein. Oui. Merci Evelyne. Et puis chapeau, hein. Franchement. Non, mais on est tous hein, dans la même galère. Mais... Hein. Quand on parlait de rénovation du hangar, du nouveau, quel hangar, c'est celui-là ou... C'est celui-là derrière. Oui, là où il est. On le verra. On verra ça tout à l'heure. Et sinon, par rapport aux juristes, il est difficile de voir dans les facultés de droit, il n'y a pas des élèves qui seraient intéressés. Alors, Terre de Liens travaille avec des étudiants de Rennes. Parce que c'est, c'est souvent une force vive, les jeunes. Ils ont quand même, pour certains, une envie écologique. Hein, maintenant, il y a tout un mouvement qui s'est mis en place. Donc, c'est vrai que je pense que sur les jeunes, j'ai envoyé un petit message là, pour voir. Je vous ai laissé la revue de Terre de Liens. S'il n'y a pas du réseau dans le coin, mais c'est prévu. Là, on va préparer le travail, les documents, et après on va communiquer sur le travail qu'on a fait. C'est-à-dire que là, pour l'instant, le but de cette réunion, là, au mois de juin, c'est que tous les co-gérants qui ont des difficultés, comme nous, se réunissent, mettent à plat les difficultés, et la juriste qui travaille avec des étudiants de Rennes va remonter l'information et voir comment on peut changer les choses. On va d'abord commencer par où sont les nœuds, pour pouvoir les dénouer. Mais après, on va communiquer, bien sûr, on ne va pas garder ce travail-là pour nous. Hein. Au contraire. Pour pouvoir, comme disait Michel, pour pouvoir expliquer aux politiques le problème qu'on a, il faut déjà qu'on cerne, nous, les enjeux et qu'on définisse exactement où sont les soucis. Et après, après c'est à eux de faire leur tâche. Quoi. Par rapport à Joël Labbé, il y a des gens qui le connaissent personnellement. Oui, moi je le connais. Oui. Oui. Martine aussi, oui. Oui, et puis Delphine. Je suis très militant, hein. Et puis oui, Delphine Leroux. Cette juriste le connaît très bien. Delphine Leroux aussi, oui. D'ailleurs, il était invité à l'Assemblée Générale samedi dernier à Kerguis, mais il a décliné l'invitation. Enfin, il n'a pas pu venir. Mais il était normalement invité à la GIE. Ouais. Non, mais c'est un monsieur très intéressant. Il fait plein de choses. Hein, la loi Labbé, hein, on la connaît, hein, quand même. Hein. Donc, ça fait avancer les choses dans ce domaine. Voilà, bon, on va avancer parce que c'est vrai que j'en ai tellement de choses à dire et c'est tellement passionnant tout ça. Il est déjà midi. Oh, allez, on y va. Rapport d'activité, adoption. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser? De toute façon, on pourra en reparler après si vous restez manger. Voilà, pendant le repas. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Super. Alors, l'adoption du rapport financier. Donc je vous ai fait un tableau. C'est une présentation comptable, compte de résultats et bilan actif passif. Et vous avez eu un rapport qu'on appelle vernaculaire, c'est-à-dire qui dit en mots ce que veut dire le tableau. Est-ce que vous avez tous eu les documents ? Tout à fait. Voilà. Alors, l'innovation cette année, on a fait des numéros de facture, comme ça, on a appris à comment construire le tableau. Le GFA, ce n'est pas comme une société lambda. On n'a pas le droit de faire des provisions, on n'a pas le droit de faire des réserves. C'est juste une trésorerie, une comptabilité avec on s'appuie sur le relevé bancaire. Et toutes les écritures sur le relevé bancaire de 2021 sont inscrites dans le tableau. Celles qui sont payées après, comme moi par exemple, j'avais payé des factures en 2021, mais je ne suis pas remboursée par rapport au GFA en 2021, elles apparaîtront en 2022. On est obligé de garder cette ligne-là. Donc le résultat, je dis les grandes lignes. Frais administratifs 49 euros, les frais d'AGE, alors, vous voyez, on a eu quand même 305 euros de frais de publicité, donc annonce légale 138, le service des impôts 138, et les renvois de courrier avec le greffe, et on n'a toujours pas notre CADIS, donc c'est un peu énorme. L'assurance Groupama ne change pas beaucoup. La taxe foncière, elle est de 493 euros. Elle était la même chose en 2020. Pardon, Evelyne, tu voulais en parler. Pardon, Evelyne, pourquoi il y a deux fois 138 euros ? Parce qu'il y a 138 euros pour le service de la publicité foncière et il y a 138 euros pour l'annonce légale. C'est deux factures différentes. Le service de la publicité foncière, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Nous, on l'avait amené le document au greffe du commerce. Il nous a dit non, non. Nous, on a pris le CFE du service des impôts, mais par contre, l'enregistrement des actes de cession, c'est pas nous, c'est toujours le service des impôts. D'accord. À Vannes. Donc, service de la publicité foncière des entreprises, c'est D'accord. Les impôts, D'accord. C'est à Vannes, ça a D'accord. coûté 138, normalement c'est 125, ouais. Mais comme on a dépassé les deux mois, parce que notre courrier, notre document était au greffe du commerce à Lorient bloqué deux mois, donc on a dépassé le délai, on a eu 13 euros de pénalité. D'accord, d'accord. Voilà. Mais normalement, c'est 125. Mais là, on a payé 138. Et Medialex, dans la mesure où on a changé de co-gérance, puisque Jérémy n'était plus, on est obligé de le déclarer. D'accord. Hein, c'est comme toute société, quand un gérant change, ça fait des frais. Et c'est l'annonce, on appelle ça l'annonce légale. On a choisi Medialex. Et c'est 138,02 que ça a coûté. Bon, ça, c'est fait, on n'aura pas à refaire. Voilà. Bon, les travaux sur le toit du hangar, c'est réfection au niveau des gouttières. Les frais bancaires, ben, on a été à découvert en début d'année, en mois de janvier. Et l'opposition de deux chèques, alors là, c'est pareil. Quand vous changez d'adresse, surtout, dites-le tout de suite. Parce que là, on a expédié deux gros chèques suite à la vente des parts. Et les chèques, c'était plus de 1 000 euros, hein, n'ont pas été encaissés parce que l'adresse n'était pas bonne. Donc le monsieur, un des associés, est venu voir Sophie sur le marché doré en disant « Oh, c'est bizarre, j'ai pas reçu le chèque de mes ventes d'épargne. » Et bah oui, il avait changé d'adresse, il ne nous l'avait pas dit. Donc comme le chèque se baladait, on a pas vu le montant du chèque, on a préféré faire une opposition. Et bah là, c'est quand même le GFA qui a payé, quoi. Donc c'est dommage quand même, hein. c'est important. Hein. Et c'est une obligation légale, hein. Parce que dès qu'il y a un changement, statut matrimonial, etc., vous êtes obligé de nous le signaler, parce qu'il faut qu'on le modifie sur les statuts. On ne va pas le faire tous les ans, on attend la GE, mais tous les statuts, ils doivent être à jour. Hein. 125 euros. Non. Là, pour le... C'est ça. Pour ça. Ah là, on a payé 15,04 euros pour chaque chèque. Ouais, pour les chèques, c'est ça. Ouais. Et 125 euros pour les mises à jour. 15 euros par chèque. Voilà. Donc, ça, c'est les charges. Les produits, bah, c'est le fermage de Sophie. Oui. Oui, bah, justement, je voulais en parler parce que parce que cette année, en 2021, on a eu un produit exceptionnel de 2008 euros que RTE, c'est un versement de RTE, une indemnité de servitude, parce que il y a des lignes de tension qui vont passer le long de la... C'est au niveau de la voie ferrée, hein, Sophie, enfin, ouais, c'est de l'autre côté. Voilà, de l'autre côté, mais ça passe dans le terrain du GFA. Le terrain, ouais. Et donc, du coup, on a le droit à une indemnité. Alors nous, comme on était nombreux, les associés, on a fait pression sur RTE pour faire des mesures après. Alors on s'est rendu, posé la question avec un géobiologue, pour savoir s'il y avait des problèmes, des incidences au niveau des cultures. Il a dit non, parce que comme les fourrages, c'est un cycle court, ça n'avait pas d'incidence. Pour les animaux, dans la mesure où les animaux ne sont pas à... L'autre côté, C'est en bordure de route, donc voilà, parce que les animaux peuvent aller ailleurs, il n'y a pas d'incidence. Et par rapport aux bâtiments non plus. Mais nous, on n'a pas eu confiance, donc on a dit, nous, on veut des mesures. Alors, comme on est nombreux au GFA, eh ben, ils ont cédé. Mais si ça avait été un paysan à faire la demande, ils n'auraient pas forcément accepté. Donc on a tous ces courriers-là aussi. Mais on a réfléchi, hein. on a voté entre nous. Et puis comme on n'était pas d'accord entre nous, et ben, on a décidé de faire une enquête auprès de vous. Et la majorité a accepté, sous condition qu'il y ait des mesures de fait après. Et on était tout à fait d'accord pour ça. Donc pour l'instant, c'est en cours. Hein. Vous avez dû voir des travaux, c'est en cours. Alors, justement, je rebondis pour ce produit exceptionnel nous a permis de faire des reprises d'actifs. Parce que les reprises d'actifs, les travaux sur hangar, par exemple, de 2018, avaient été mis à tort dans le bilan, alors que ce sont deux factures qui sont en dessous de 500 euros. Normalement, on aurait dû les mettre en charge. Donc, elles n'avaient pas été comptabilisées en charge à l'époque, en 2018. Elles avaient été directement mises dans l'actif. Alors, ça n'avait pas été amorti. Pardon ? Ça n'avait pas été amorti. Ben, c'est comme c'est. Non, c'est justement. Pas amorti, ouais. Ça n'a pas été pris en charge. Il y a une dotation aux amortissements quand c'est. Pas pour des petites factures. Pas pour des petites factures. Elles auraient dû. En dessous de 500 euros, on n'amortit pas, on les passe directement en charge. Oui, c'est ça. Si. Mais si vous les aviez mis à l'actif. Oui, pas, c'était une erreur. Donc là, on a profité de la... J'ai pas comparé avec le bilan des années précédentes. On n'a pas... Donc on a profité de cette... On a profité de ce bilan. Sinon, si on ne l'avait pas fait, c'est sûr qu'il y aurait eu... Et puis jusqu'à maintenant, on ne reprenait pas les actifs, même si on avait repéré des erreurs, parce qu'en fait, on se tenait au 1%. Je vous rappelle qu'on n'a pas de dividendes, nous. Hein. On n'est pas, c'est pas de l'argent que vous mettez dans une banque qui rapporte des intérêts. Nous, c'est des revenus fonciers. C'est-à-dire que le revenu foncier, c'est le fermage qu'on demande à ceux-ci. C'est-à-dire que si vous voulez avoir plus d'argent, il faut augmenter le fermage. Ce n'est pas le but. Hein. On ne va pas plomber Sophie pour avoir plus d'argent. Donc, en général, les revenus qui vous sont redistribués tournaient autour de 1%. C'est-à-dire que vous aviez une part à 100 euros, vous aviez 1 euro de revenus, il ne faut pas dire dividendes d'intérêt. C'est vrai que c'est des termes qu'on avait employés à l'époque, mais il faut arrêter de dire ça, c'est des revenus fonciers. Donc on s'est dit, alors si on laisse les 2008 euros en produits et qu'on ne reprend pas les actifs, ça va nous faire un super bénéfice et on va avoir un revenu foncier comptable hyper élevé, quoi. Donc pour le baisser, eh ben, on a décidé de reprendre. C'était l'occasion de reprendre les actifs, justement. Donc ce qu'on a gardé, en fait, ben, c'est tout simplement, et ça va rester comme ça maintenant jusqu'à la fin, c'est-à-dire qu'on va garder les frais d'acquisition, c'est les frais incorporels, c'est les frais de notaire, et puis ben, les immobilisations corporelles, c'est ce qu'on appelle les prix des terres, et les gros travaux de hangar, du début, puisqu'il a fallu, avant que Sophie n'intègre la ferme, il a fallu faire des réparations au niveau du hangar, au niveau électrique et tout ça. Donc ça restera, c'est la valeur du patrimoine, de notre patrimoine. Et les 6 000 euros ? Et alors, il reste, oui merci Jacques, les 6 000 euros, bah, pour répondre monsieur là-bas, c'est les 6 000, c'est ce que nous a coûté le renforcement des piliers du hangar. Et c'est pour ça qu'on a fait une augmentation de capital, parce qu'on n'avait pas assez de réserves. Donc on a pris dans les réserves et on a fait une augmentation de capital de 3700 euros, donc de 37 parts. D'accord. Et vous les retrouvez alors dans le passif, les 3700. Ah, pour ça qu'en fait, on prend mieux. En fait, on n'a pas fait une ouverture de capital de 6 000 euros. Non. On a ouvert que 3 000 euros et on a pris dans les, oui. dans les réserves du GFA oui. pour les 3 000 autres. Oui, ouais, voilà, d'accord. C'est ça. Mmh. Oui, c'est ça. Donc, voilà, pour les produits, bon, le fermage qui est calculé en fonction du bail d'origine, 2 000 euros. L'indice du fermage, alors je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne. C'est un peu comme les propriétaires et les immeubles. Il y a un indice de location. L'indice de fermage paraît au journal officiel tous les ans au mois de juillet et il est applicable à partir d'octobre. Comme Sophie, elle paye son fermage à terme échu, donc c'est les termes qui sont écrits dans le bail, c'est-à-dire que l'année se passe, donc c'est de février à février, donc elle paye son fermage en... Là, par exemple, pour cette année, elle le paiera en 2023, en février 2023. Donc, nous, on a connaissance du nouvel indice de fermage en juillet. Donc, on fait une facture en octobre-novembre en lui disant, bah, en 2023, l'indice va changer. C'est déjà arrivé que l'indice baisse. C'est arrivé deux ou trois fois dans l'histoire du GFA où, voilà, il avait baissé. Donc ça, nous, on applique la règle. Hein. C'est l'ancien indice, on divise par l'ancien indice et on multiplie par le nouvel. Et ça donne donc l'indice du fermage qui est inscrit en produit. Donc produit moins charge, ça fait le résultat comptable, revenu, donc ce sont les revenus fonciers comptables. On a 1045,24. Et ces résultats-là, vous le retrouvez dans le passif. En résultat, on a appelé exceptionnel, vu qu'on avait un produit exceptionnel, on l'a appelé résultat exceptionnel, de 1045,24. Donc le but aujourd'hui, c'est le... Alors, il y aura un vote du rapport financier, et le deuxième vote, c'est l'affectation de ce résultat en compte courant d'associés. Alors pour ceux qui sont anciens, tous les ans, Maurice, il faisait des chèques. Je ne sais pas si vous vous rappelez. De 1 euro, il faisait des chèques et il remplissait. Et puis, vous preniez le chèque et puis si vous ne vouliez pas l'encaisser, vous le déchirez. Et c'était acquis, soi-disant, pour le GFA. L'argent qui n'était pas encaissé était acquis pour le GFA. On est rentré un peu plus dans une c'est du boulot, déjà, donc on n'a plus à faire les chèques. Et on a décidé de créer des comptes courants d'associés. Alors, je vous rassure, c'est un terme comptable, c'est une dette qu'on a envers vous, c'est-à-dire que ce n'est pas de l'argent qui appartient au GFA, c'est l'argent qu'on doit aux associés. Il y a juste si vous voulez voir, je pourrais vous montrer, mais c'est une liste de tous les associés avec le montant qu'on doit. Et tous les ans, alors si vous avez une part, c'est par exemple 90 centimes, 1,18 €, parce que le revenu change, le revenu foncier change, donc cette somme-là va changer d'une année sur l'autre. Donc soit, on vous propose de les cumuler, alors il faut savoir que ça ne rapporte pas d'intérêt. Hein. On ne peut pas s'engager à vous verser des intérêts sur cette somme-là, parce que nous, on ne fait pas travailler ailleurs. C'est de l'argent qui reste en trésorerie dans le GFA, c'est tout. Hein. Donc, cet argent-là, vous pouvez le cumuler. Alors, moi, je vous propose après, si vous voulez, de voir si vous avez beaucoup de parts, si vous savez combien vous avez de parts. On a prévu les chéquiers et on peut vous faire le chèque pour aujourd'hui en cumulant l'année 2020 et 2021. Mais si on n'en a pas beaucoup, on peut attendre 3 ou 4 ans. Et d'ailleurs, l'année dernière, on a profité justement de vendre des parts. Et les personnes qui ont vendu leurs parts, on leur a dit... Est-ce que vous voulez prendre vos revenus fonciers des années précédentes? Et certains ont dit oui, d'autres ont dit non. Donc ceux qui ont dit non, on leur a fait signer des abandons de créances pour être sûr que ce ne soit plus marqué en dette dans le bilan. C'est vraiment acquis. Donc c'est un plus pour nous, c'est une réserve qui nous serviront peut-être à payer les frais de greffe. Si, mais au moins c'est plus dans les dettes. Donc il faut lire compte courant d'associés comme dette en fait, dette envers les associés. Voilà, donc les dettes ont diminué, hein. J'ai les versements, bah, je viens de vous en parler, pendant l'acte de cession, acquisition, départ, on en a profité pour verser les revenus fonciers qui s'accumulaient. Donc il y a eu un total de 300,71 €. Pardon ? Ah oui, en fait, on a eu un compte courant d'associé qui a diminué de 848,09 €, alors que l'année dernière, le solde était de 1220,54 €. Donc le résultat de cette année, 1045,24 €, on vous le propose de l'affecter à 100%, parce qu'on ne veut pas faire de réserve, vu qu'on a un petit peu d'argent pour payer le grève, donc on n'a pas à faire de réserve, normalement. On n'a pas de projet d'acquisition de terrain, donc on n'a pas à faire de réserve. Donc aux 848,09 € se rajouteront les 1045,24 €. Et tout ça sera dans un tableau au prorata, bien sûr, du nombre de parts que vous avez acheté. Le tableau est prêt, tout est prêt. Voilà. Ça paraît un peu compliqué parce qu'on a changé, on est plus calé dans la compta pure qui s'applique au GFA, qui est une comptabilité différente d'une société normale. Hein, parce qu'on est, on a vraiment, c'est de la pure, c'est du calcul, c'est de la trésorerie, voilà, tout simplement. C'est de la trésorerie. Donc voilà. J'ai l'impression d'être confuse, mais je connais tellement par cœur que si vous avez des questions, n'hésitez pas, je répondrai. Oui, les 60, non pas dans le compte de résultat, c'est dans l'abandon de créance. Oui, d'accord. Il se retrouve dans le report à nouveau. C'est-à-dire que les 71-74, c'est les revenus fonciers que les personnes n'ont pas voulu encaisser. D'accord. Donc on les a enlevés du compte courant d'associé, donc d'accord, c'est plus une dette, et on les a mis dans le report à nouveau. C'est-à-dire, c'est le report à nouveau, c'est l'argent qui appartient au GFA. D'accord. Il est où le report à nouveau, là ? Il est 1247,59 €. D'accord. Le report à nouveau. Ça, c'est l'argent qui appartient au GFA. Ce n'est pas de l'argent qu'on doit aux associés. D'accord. Et les 371 qu'on a versés de revenus fonciers des années précédentes ont été retirés aussi du compte courant d'associés parce qu'ils ont été effectivement encaissés par les associés. Alors vous auriez pu, c'est un peu compliqué, si vous ne posez pas de questions, je vous en parlerai encore. Sinon je vais rester une heure avec vous. Oh non, c'est bon, ça. C'est pour les émissions de part. Si vous avez, je vous explique. Enfin voilà, normalement je devrais vous expliquer ce que c'est une prime d'émission. D'ailleurs il ne faut pas marquer émission de part, il faut marquer prime d'émission. C'est très bien. C'est le vrai terme comptable. Mais je rectifierai l'année prochaine, je mettrai prime confiance. Parce que ça restera dans le passif. C'est les 8 euros de part. Tu as l'air de bien maîtriser ton sujet. Donc oui, tout le monde si confiance. Vous voulez une explication, je vous la donne. Non, on veut pas. Si, Michel, non. Michel, oui, mais après. Michel, tu veux ? Non. Elle a dit que ça allait durer très longtemps. Donc, oui, moi, j'avais. Oui, tu préfères passer à la suite. Je ne sais pas si on est arrivé à ce point-là. Quoi. Moi, je voulais donc. Je voulais vous dire que j'avais posé des questions à la gérance concernant la taxe foncière, oui, concernant le calcul du ah oui, voilà, dommage, et ouais, aussi que si vous pouviez nous répondre un peu sur l'avenir du GFA. Quoi. Ouais. Comment l'avenir du GFA est lié à la ferme de Sophie. D'accord. Quoi. Eh bien, écoute, moi je suis d'accord. Le fermage, on en a parlé des 2000 euros divisé par l'ancien indice, multiplié par le nouveau. Est-ce que tu as des questions à poser à ce niveau-là ? Parce que si tu m'as dit, je veux des informations sur le fermage. Oui. Les 2000 euros, tu sais, ça vient du bail. C'est écrit sur le bail en 2012. C'est marqué que Sophie doit 2000 euros. D'accord. Non, alors, je vais dire ce que je comprends et tu vas me dire si j'ai bien compris. Vas-y. 2000, c'est le premier. C'est le premier bail, le tarif du premier bail. Oui. Et 103,95, pourquoi il y a 103,95 ? 106,48, je comprends, parce que c'est l'indice, le dernier indice du fermage. Oui. Donc on multiplie par le... Et pourquoi ça n'a pas bougé ? Et 103,95, c'est l'indice à quelle date ? À la date du bail, en 2012. D'accord. En fait, c'est, elle, on a fait le bail en 2011, d'accord. Mais sur le bail, c'est marqué que la première année, la deuxième année, l'indice est gelé. C'est-à-dire qu'il y a eu une évolution de l'indice, mais on n'en a pas tenu compte. D'accord. Sinon, elle paierait plus cher. Mmh. Mais c'est marqué sur le bail, pendant 2 ans, l'indice 103,95 sera appliqué. Mmh. Et les 2000, bah, c'est les 2000. Mmh. Donc on a pris 2000, on a divisé par l'indice de 2012 et on l'a multiplié par l'indice de 2021. D'accord. Et c'est comme ça qu'on a ce calcul-là. D'accord. Et on sera tout le temps comme ça. Avant, le fermage était calculé d'une année sur l'autre. Ouais. Et en fait, Evelyne s'est rendue compte qu'au départ du fermage, il y a eu une interprétation par rapport au bail. C'était écrit d'une façon, il fallait prendre 2011 et en fait, c'était 2012. Ouais. Donc, moi, j'ai, comme je suis avec Solidarité Paysan, j'ai demandé aussi à la juriste qu'elle m'explique parce qu'on était, voilà, je ne comprenais pas non plus. Et donc, c'est ça. En fait, c'est du départ où, voilà, ça a fait un décalage par rapport à ça. Il y a eu un décalage. Donc, on a décidé, on va... La question subsidiaire, c'était de dire, est-ce qu'on est obligé d'appliquer ce fermage? L'indice, c'est national, c'est le truc, c'est pour calculer un fermage, on suit l'indice national. Ça, c'est... Non, mais je veux dire, le fermage, c'est un contrat entre le propriétaire et le locataire. Ben, il y a une réglementation. Oui, mais il est indexé, c'est comme un loyer. Voilà. Non, mais le propriétaire, il n'est pas obligé d'augmenter le fermage. Bah, dans le GFA. Non. Il n'est pas obligé de suivre l'indice. C'est ça que je veux dire. Il va dans les... Il ne peut pas le dépasser. Il ne peut pas le dépasser, mais il n'est pas obligé de le suivre. Il pourrait mettre en dessous, faire une ristourne. Il pourrait mettre en dessous, voilà, c'est ça. Ben, je veux faire remarquer ça quand même, parce que si tu veux... Bon. Après, bon, ça ne joue pas à grand-chose, et puis c'est une négociation entre le propriétaire et le locataire. Quoi, mais bon. Il y a des frais, de ce que je comprends quand même, à couvrir. Le fermage sert à couvrir les frais. Oui, bon, ben, pour nous, on a besoin absolument du fermage. Ouais. Sinon, on ne peut pas faire fonctionner le GFA. C'est ça. Oui, alors voilà, en fait, le seul revenu qu'on a... alors, ou alors, on peut très bien décider, on met 100 euros, la part est à 100 euros, et on dit, bah, nous, on ne veut pas que, sans tenir compte de l'inflation, sans tenir compte de... On dit, bah, voilà, on ne veut pas de revenu foncé, enfin, ou on veut limiter le revenu foncé à temps, c'est-à-dire qu'on s'en fiche d'avoir de l'argent sur la part. Mmh. On peut très bien décider ça. Mais au départ, ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on reste... ouvert à ces choses-là. C'est que quand viens juste d'entendre de parler de règlement, on dit, ah ben, le fermage, ah mais il y a un décret, il y a des réglementations. Ben, c'est pareil que quand le greffe du commerce, il te répond, ah mais, il y a des réglementations, il faut qu'on soit indépendant, nous, dans notre façon de raisonner, quoi. On regarde toujours ça, quoi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se laisse la possibilité, si Sophie elle a vraiment un pépin dans sa production ou quoi, de dire bah, ok, on soutient. Mais ça a déjà été fait d'ailleurs. Ouais. Sophie, au départ, elle avait du. De toute façon, on demande à Sophie, hein, non, quand ça on est co-gérant. Si, t'as eu. Je te montrerai les chiffres, mais il y a. Non, mais je suis désolée, j'ai pas eu de ristourne ou de fermage pas payé. Je n'ai pas dit que tu n'avais pas payé, mais il y a des arrangements. C'est-à-dire qu'à un moment, tu ne pouvais pas et il y a eu un décalage. Non, non, je suis désolée. Non, bah écoute. Non, il y a un moment, c'était tendu, mais j'ai payé le fermage quand même. J'avais dit, bah, cette année, c'est un peu tendu, je ne sais pas, mais je l'ai payé quand même. Mais c'est pour ça, Michel, c'est toujours une aventure humaine. C'est-à-dire que le jour où elle ne peut pas payer, elle nous le dit et puis on s'arrange. Oui. Voilà, je suis d'accord avec toi. À la limite, dans ce cas-là, on joue plus sur la taxe professionnelle. Parce que, voilà. Parce que c'est pareil, la taxe professionnelle, elle est inscrite dans le bail. La taxe foncière, la taxe foncière, elle était inscrite dans le bail. Pendant 10 ans, enfin pendant 5 ans, elle bénéficiait d'une partie parce qu'il y avait une exonération. Comme Sophie, elle travaille en agriculture biologique. Elle avait le droit à l'exonération de la part communale. Oui, c'est expliqué dans ton papier. Voilà, je l'ai expliqué. Et donc, ça, c'est pendant 5 ans. Et cette exonération-là, on la restituait à Sophie. Mmh. Donc, du coup, elle n'a jamais payé taxe foncière parce qu'elle bénéficiait de la taxe foncière en retour. Mmh. Et ça, après, je veux bien intervenir, si je peux, sur la taxe foncière, puisqu'on est c'est maintenant. En fait, la taxe foncière, depuis la création du GFA, le GFA, parce que c'est... comment dire, C'est pas obligatoire que le GFA me la demande, en fait. C'est si le GFA veut me la demander, il peut. Mais c'est pas obligatoire. Et il avait été convenu, en fait, du départ, que le GFA ne me la demandait pas. Et, en fait, comme je suis en agriculture biologique, nous avons fait les démarches pour que le GFA ait une exonération de la taxe foncière, enfin, d'une partie de la taxe foncière. Ouais. Donc, pendant 5 années, au lieu de payer les 490, un truc comme ça, il a payé 190. Enfin, ça, sur les 5 ans. Parce que moi, je ne me suis jamais mis dans ces calculs-là, parce que ça avait été convenu que le GFA s'occupait de la taxe foncière. Devait me, me rétrocéder, en fait, cette exonération des 5 années. Et, mais on s'était dit, bon, on ne te la rétrocède pas, mais en échange, on ne te fait pas payer de taxe foncière, on ne fait pas les calculs, tout ça. Donc, ça, moi, ça m'allait très bien, je n'ai jamais regardé tout ça. Ouais, ouais. Et là, c'est vrai, comme on avait un petit. Enfin, on n'était pas d'accord sur la taxe foncière, donc j'ai regardé plus précisément. Et en fait, pendant 5 années, ça fait que le GFA a économisé 1500 euros, à peu près, qu'il aurait dû me rétrocéder. Donc moi, ça m'exonère de la taxe foncière pendant 13 ou 16 années. Donc je voulais justement qu'on revienne là-dessus, parce que moi, je ne suis pas d'accord pour payer la taxe foncière à partir de maintenant. Parce que je me dis, c'est un peu pas très juste de dire, on avait un accord, mais maintenant qu'on a bénéficié de l'exonération, on fait payer la taxe foncière. Donc je ne suis pas d'accord par rapport au principe de l'accord qu'on avait avant. Quoi. Donc, et j'aimerais bien en fait, avoir un tableau de la taxe foncière, du départ, sur tout ce qui a été payé, oui, tout ça, du GFA, pour voir l'exonération totale qu'a eu le GFA, qu'aurait dû m'être reversée, et faire la déduction. Moi, je ne demande pas d'argent au GFA, mais au moins qu'on ne me demande pas la taxe foncière que je ne dois pas pendant ces années d'exonération. C'était ça. Ah, mais non. Ah, non, mais je ne vais pas. Si, bah, si, ce que tu veux. Enfin, c'était prévu pour l'année prochaine, la taxe foncière. Alors, oui, mais juste pour ne pas revenir à. Revenir pas en arrière. Pas revenir en arrière. Non, mais moi, pendant 16 ans, normalement, je n'ai pas à la payer la taxe foncière depuis le début du GFA, avec l'exonération que le GFA a eue. C'est pour ça que je n'étais pas d'accord. Non, mais c'est ça. Pourquoi 16 ans? Ben, ça correspond à la somme que le GFA a bénéficié. Non. Si, si. Ben, enfin, tout cas, la taxe foncière, on éclaircira parce que. On éclaircira ça parce que ça s'est fait. C'est 5 ans, c'est pas 16 ans. C'est 5 ans, hein. Donc il y a une réglementation qui est que le GFA a un pourcentage à payer et Sophie a un pourcentage à payer. Ouais. Mais pendant 5 ans, on a eu une exonération grâce à l'agriculture biologique et le travail de Sophie. Voilà. Donc en fait, là maintenant, on a des informations que nous, on n'a pas. Ouais, mais donc voilà, on n'a pas bien partagé, mais effectivement, l'idée, c'est que toi, tu penses que ce n'est pas juste parce que l'exonération que ça nous a apporté est plus importante et que ça doit t'exonérer pendant quand même. Voilà, c'est ça. Ce qui était convenu avec le GFA, c'était que l'exonération dont il bénéficiait parce que j'étais en agriculture biologique, ne m'était pas reversé, parce que ça c'était légal, qu'il me la reverse, moi je savais pas, voilà. Mais bon, moi j'étais d'accord avec ça, mais en échange, on ne faisait pas payer la taxe foncière. Et maintenant, bon, peut-être des nouvelles gérantes, et on dit, maintenant tu fais payer la taxe foncière. Moi je suis d'accord, parce que l'accord n'est pas terminé pour moi, tu vois. Donc, il faut qu'on fasse des calculs précis, c'est là-dessus que je compte sur toi, Evelyne, pour faire les calculs précis de ce que ça a coûté et l'exonération. Et on arrive après 13 ou 16 années où moi je n'ai pas à payer de taxe foncière. Je ne veux, enfin, moi je veux bien payer ce que je dois, la taxe foncière je la paierai quand ça sera, l'accord sera fini, mais c'est juste que c'est pas juste par rapport à ça. C'est tout. Bah, de toute façon, il était mis dans le prévisionnel, la taxe foncière. C'était 100 euros. Et le calcul, il y a une petite erreur de calcul que j'ai voulu t'embrayer. Et en fait, on est parti sur la base du bail. Parce que quand on a relu l'histoire de ce fameux indice, 203,95, on est tombé sur l'article qui parlait de la taxe foncière. Donc on s'est dit, on va le mettre dans le prévisionnel. Et il y a, dans le bail, c'est écrit précisément le calcul de la taxe foncière que doit Sophie. On va pas en parler, Sophie, maintenant, parce que avant d'en parler à l'Assemblée Générale, il faut qu'on se mette d'accord dans la cogérance. Je te l'ai dit au téléphone, c'est un prévisionnel. Il faut qu'on avance, c'est un prévisionnel. À l'Assemblée Générale, il faut présenter aux associés des choses qui sont décidées. On va en rediscuter, et si c'est polémique, on reportera ça l'année d'après. On vous le reproposera. D'ailleurs, le prévisionnel, on ne vote pas. C'est juste un, on ne vote que sur le résultat, le rapport financier. Donc, on va pas, il n'y aura pas de polémique parce qu'il y aura des arrangements. Voilà, on s'arrangera là. On n'est pas là pour te plomber. Mais il ne faut pas avancer des chiffres comme ça. Toi, tu as eu une juriste, mais tu ne nous as même pas fait part du travaux de ta juriste. C'est quand même dommage. Si, bien sûr. Non, alors, on verra ça. Et on en reparlera à l'Assemblée générale l'année prochaine. Bon, allez, on avance. J'ai encore deux remarques à faire. Juste sur la tâche foncière. Oui. Même si c'est dans le fermage, tu n'es pas obligé de la faire payer au locataire. Oui. Moi, j'ai contacté un gars qui me dit, nous, c'est le locataire, c'est toujours le GFA qui a payé la tâche foncière en entier. Donc, ça, c'est un point. Après, moi, je veux bien qu'on en discute, comme vous allez en discuter et tout ça. C'est juste pour préciser ça. Oui. Et l'autre chose, ce serait peut-être pas maintenant, mais peut-être quand on va manger, c'est de voir à plus long terme comment il évolue le GFA, avec les problèmes juridiques, mais aussi avec les problèmes, comment on peut évoluer la ferme un jour quand Sophie va arrêter, à quel point on va en être. Est-ce qu'il ne faut pas en discuter maintenant avec elle et entre nous, mais pas maintenant, je veux dire, pas maintenant, mais juste qu'on ait ça à l'esprit quand même. C'est prévu qu'on en discute avec Sophie dans les mois qui viennent. Oui, mais on peut même en parler. Alors, moi, ce que je te propose, Michel, pour avancer... Non, mais c'est bon, moi, j'ai raté. Hein. Non, mais ça, on est là pour s'exprimer, hein, c'est hyper important. Sinon, ça ne sert à rien de faire une AG. Hein. C'est un compte rendu de notre activité, l'AG, hein, donc il ne faut pas l'oublier. Et puis, c'est aussi rebondir sur ce que vous en pensez. Là, le rapport financier, il y a plein de choses qui ont changé au niveau de la comptabilité, parce qu'on a voulu faire ça un peu plus carré. Voilà. Et puis, en plus, la comptabilité, c'est mon truc, et je suis très mathématique et très carré. Après, on sort du cadre, il y a l'aventure humaine. Et donc là, pour l'instant, on a regardé le bail, on a appliqué la règle pour le fermage, pour la taxe foncière, mais bien sûr, on est libre de l'appliquer ou de ne pas l'appliquer. Enfin, moi, le fermage serait tenté, parce que je ne suis pas sûre au niveau... Elle n'est pas là, Martine, mais elle connaît plus les impôts, les travaux aux impôts. Je pense qu'au niveau du fermage, c'est un peu limite. Ça doit être limite. La taxe foncière, on peut faire ce qu'on veut. Donc, pour le fermage, on applique la règle, et puis la taxe foncière, enfin. C'est le seul produit, le seul revenu qu'on a. Voilà. Donc, on peut. Est-ce que c'est bon? On peut y aller? Est-ce que vous adoptez? Alors, on va passer à l'adoption du rapport financier. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, maintenant, l'affectation du résultat comptable, il faut voter aussi. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, qui est contre l'affectation à 100%? Donc les 1045,24 donc de revenus fonciers comptables, on va l'affecter à 100% au compte courant d'associés. Donc ce sera une dette qu'on aura envers vous, au prorata de vos nombres de parts, bien sûr. Donc, parce que si vous êtes contre, on ne pourra pas faire le chèque tout à l'heure. Mais bon, voilà, donc pas de chèque, pas de vote, pas de chèque. Pas de bras, pas de chocolat. Donc affectation du résultat comptable sur le compte courant d'associés à 100%. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Donc c'est bon. Le prévisionnel, on vient juste d'en parler. Le prévisionnel, je vais être rapide. La taxe foncière, c'est toujours 493. On a mis le même nombre. Grève du commerce, on a mis 250. On ne sait pas combien ça va nous coûter, cette histoire-là. Mais on a des réserves. Donc je vous rassure, il nous reste encore une petite réserve, donc s'il y a plus de à payer. Il y a ce qui s'est rajouté, c'est l'adhésion, c'est terre de lien, donc c'est 50 euros. Mais grâce à ça, on va pouvoir avoir une veille aussi en cas de changement des lois et tout ça, on sera un peu plus au courant. Fourniture de bureau, on a encore, tout le monde n'a pas le mail, on a encore des courriers à envoyer. Donc, quelquefois, ça coûte cher parce que quand on a une tonne de documents, on met dans des grandes enveloppes. Donc, l'année dernière, ça coûtait un peu cher. Le fermage, bah, on revient. Donc, produits financiers, c'est les intérêts des parts sociales. Bon, il n'y a pas beaucoup parce qu'il y a une partie qui part en capital. Le fermage, bah, on a mis les 102,60 de taxes foncières. Donc, on va voir avec Sophie, on va faire les calculs comme elle le demande. Mais là, c'était trop près de l'AG pour qu'on ait le temps de faire ces calculs-là. Et on vous tiendra au courant l'année prochaine. Ça coûte cher. Voilà. C'est tout. Donc là, il n'y a pas de vote. Bah là, on prévoit un résultat. Si on n'a pas de surprise, mauvaise surprise avec le crédit du commerce, on prévoit un résultat comptable de 1231,59. Donc un peu plus que cette année. Et on verra. En croisant les doigts pour qu'on résolve le problème. Donc voilà pour le prévisionnel. Élection des co-gérants. Bon, ben, alors, normalement, d'habitude, mais là, bon, Sophie a devancé un peu le machin, mais d'habitude, on s'engage jusqu'à pendant 3 ans, parce que ça coûte 190 € à chaque fois qu'on change de co-gérant. Si on change de co-gérant, ça coûte 190 €. Et du coup, alors je ne sais même pas si c'est 190 € chacun ou l'ensemble de la co-gérance. C'est-à-dire si on est deux à partir ou s'il y a un changement. Donc je ne sais pas quoi vous dire parce que les tarifs ont changé. Bon, moi je veux bien reprendre encore pour un an. Déjà, j'aurais du mal à laisser le boulet, le bébé. Et avec cette histoire de greffe, il faut résoudre ça. Donc moi, je veux bien m'y atteler. Donc je me représente pour cette année. Jacques, à toi de dire. Moi aussi. Toi aussi. Moi aussi pour cette année. Mais moi, je l'ai dit à leur nom. Et si quelqu'un veut me remplacer. Moi, je vais vous proposer. Super. Voilà. Vous ne connaissez pas, je suis Marie Psegrand. Jean-Marie le Lin-Loison. Jean-Marie, le compagnon de Sophie. Le mari, ils sont mariés. Attends, le mari de Sophie. Ils ne nous l'ont même pas dit, on ne les a même pas félicités, on n'a rien fait. On n'a rien fait, on a montré que vous travaillez. C'est aujourd'hui, ça, à voir à votre santé. C'est marrant parce qu'on est arrivé à une réunion chez Sophie et puis. Et puis on arrive dans son bâtiment là qu'elle a rénové, puis je regarde le bouquet, puis c'est un beau bouquet avec des fleurs blanches et tout, je dis, oh, on dirait un bouquet de mariée, puis elle fait, bah, en fait on s'est mariés. Donc voilà, super content. C'est bien. C'est bien, voilà. Donc est-ce que vous acceptez, alors oui, Martine et Marie-Claire continuent aussi, hein, ils n'ont pas donné de consignes, ils n'ont rien dit, donc a priori ils remplis pour une année. Et donc, bah, Sophie, on changera. Donc, il y aura. Il faut voter contre le changement des règles. Bah, si on change, on te déclarera cette année. Hein. On fait comme tu sais. On fait parce que alors, les années précédentes, avec l'ancienne co-gérance, c'est que comme ça coûtait des sous, ils attendaient. L'AGE pour faire, mais en même temps, à chaque fois qu'on change, il faut payer. Donc est-ce qu'il faut attendre l'AGE Non, je ne demande pas d'attendre l'AGE. On va avoir beaucoup de changements. Dans un an, il y aura beaucoup de changements. Ben, l'AGE, c'est dans 2 ans. Moi, je démissionnerai dans 2 ans. Hein. Je le dis tout de suite. Je démissionnerai dans 2 ans, pas parce que je n'aime pas le GFA, c'est parce que mon fils veut créer un GFA. Et j'ai aidé le GFA de Plumilio, donc à force d'aller à droite à gauche, je n'ai que des réunions sur mon agenda et je frise le. Et si je m'engage maintenant à Terre de Liens, il va falloir faire des choix dans la vie, donc je ne peux pas aller à la réunion tous les jours, parce que mon mari va. Enfin, il a refait. Et là, je ne sais pas avant. Je suis chômeuse, mais. Je me suis désinscrite parce que j'ai pas le temps d'aller aux réunions de Pôle emploi. Voilà. Donc, ok, bah, on prend acte et puis on déclarera Sophie. Donc, bah, dans notre dossier de greffe, on rajoutera Sophie. Hein? Voilà. Vote du quitus. Non, mais moi, je n'ai pas compris. Hein. Le quitus. Les élections des gérants. Bah non. Vas-y, si on est d'accord. Ah oui, moi je pensais que tout le monde était d'accord. Mais est-ce que vous êtes d'accord pour que Jean-Marie prenne la place de... C'est pas la place, il y a Jean-Marie et Béatrice qui rentrent en plus. Ah, t'as noté ? Oui, oui, je vois. Alors, on fait pour chaque ou les deux en même temps ? Les deux en même temps. Qui est contre leur candidature ? Qui s'abstient ? Ah non. Et qui est pour leur candidature ? Bon. Et donc ensuite, le quitus. Donc le quitus, c'est quoi ? Et même si vous avez adopté le rapport d'activité, le rapport financier, on ne sait jamais si vous trouvez un loup quelque part, on aurait fait de la malveillance. Enfin bref, le quitus. Ou blanchiment d'argent, t'as piqué dans la caisse sans vous le dire. Enfin bref, le quitus, ça ne nous blanchit de toute la gestion de l'année 2021, mais des années avant aussi. Donc voilà, comme ça on ne regarde que vers l'avenir et l'arrière, on s'en fiche un peu parce que vous avez vous nous accordez le quitus, donc c'est bon. Bon, on rigole, mais on préfère le faire parce que c'est... Il y a des sociétés qui ne le font pas. C'est pratique, ouais. C'est pratique. De toute façon, tout est transparent. Hein. Si vous voulez les classeurs, il n'y a pas de souci. Donc, il faut voter le quitus. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Qui est pour ? Merci. Donc, on a tout vu. Il ne manque plus que... je t'oublie pas. Michel, Sophie, elle présente son activité, l'évolution de la ferme. Et si on a le temps, on peut. Il est 12h34. Ou alors, devant un petit verre, on parle de l'évolution. Tu veux que ce soit fait en AG, qu'on parle de l'évolution du... Non, pas obligatoirement, mais je pense que... Mais c'est déjà un peu lourd. En fait, en même temps, comme je vais parler, je vais peut-être en dire deux mots aussi. Ouais. Quoi. Vas-y. Donc voilà, je vais faire le plus court possible. Ouais. Voilà. Cette année, j'ai diminué le nombre de chefs. En fait, j'ai fait un deuxième burn-out en fin d'été. J'étais arrêtée pendant un mois et demi. Et je suis toujours un peu en phase d'épuisement permanent, quoi. Donc, donc j'ai diminué le nombre de chèvres. Je vais encore diminuer. Et j'ai bien fait parce qu'en plus, tout ce qui est alimentation bio, les ventes chutent. Donc, je suis déjà un peu en surproduction. Donc, si j'avais gardé toutes ces chèvres, c'était un peu difficile, quoi. Donc, je diminue l'activité petit à petit pour pouvoir que ça soit gérable humainement. Parce qu'en fait, avec Jean-Marie, je pourrais vous raconter, on n'a pas de vie, en fait, que de travailler. Il vient tous les week-ends, il travaille, il repart. Et en fait, je ne sors jamais d'ici pratiquement, sauf quand je vais aller au marché. Mais bon, bref, c'est ma vie sociale, le marché, donc c'est un peu compliqué. Et je me pose, du coup, avec toute cette année, je me pose pas mal de questions aussi sur le devenir de la ferme et notamment... du hangar, parce que c'est un peu le point qui peut poser problème entre le GFA et moi, parce que quand je me suis installée, le GFA et moi avons acheté cette ferme qui n'était pas destinée à être coupée en deux. Le hangar, en fait, donc appartient au GFA, parce que le GFA n'a pas pu faire autrement. Il n'avait pas vocation à acheter ce hangar, mais que les terres. Et ça fait pour ne pas faire grimper artificiellement le prix des terres, ils ont mis le hangar dedans pour 20 000 euros. Donc le hangar fait partie, voilà. Et il était convenu en fait à l'époque que le GFA me le revende le plus vite possible, en gros, pour qu'il n'y ait que les terres à gérer, quoi. Et donc moi j'ai eu carte blanche pour faire tous les travaux nécessaires dans le hangar, vraiment carte blanche. Donc j'ai fait énormément de travaux dans ce hangar et j'ai du coup fait tous les calculs, enfin vite fait, j'ai pas tout retrouvé, j'ai pas eu le temps. Mais j'en suis en fait à 70 000 euros d'investissement dans le hangar, quoi. Donc, celui-ci, il m'appartient, la structure, mais le sol, vous êtes chez le GFA et au-dessus, vous êtes chez moi. Donc, et je me dis qu'à un moment, il faudrait peut-être simplifier les choses parce que ça va à un moment forcément poser problème. Tant que c'est moi qui habite là, et que j'exploite ici, enfin j'aime pas ce mot exploiter, mais que je travaille à la ferme, ouais. Même moi, ma langue a foutu, ça pose pas de problème parce que je suis là, voilà. Mais, donc c'est pour ça aussi que j'ai fait quelques photos pour montrer, pour ceux qui connaissent pas, comment c'est physiquement dans l'espace les choses. Le hangar, enfin, juste devant le hangar du GFA, toute cette partie, c'est notre propriété, quoi. Donc, il n'y a pas d'entrée. Tout ce qui est, enfin, bon, les assainissements, j'ai dû les faire moi-même, j'ai financé. Ça, c'est chez moi. Enfin, c'est, tout est imbriqué, donc ça va être très compliqué. Après, c'est ce que je me dis. Bon, voilà. Sinon, bon, la bonne nouvelle, c'est que, quand même, il y en a. La pose de nos panneaux solaires thermiques commence demain, donc ça on est super contents. Donc voilà. Donc ça c'est, j'avais eu l'accord du GFA pour les poser donc sur la toiture du GFA, et en contrepartie je faisais le renfort de la charpente, ce qu'on a fait. Donc voilà, tout ça à mes frais aussi, quoi. Donc voilà, c'est vrai que j'aimerais bien que qu'on fasse quelque chose de très carré et que chacun se prononce. Enfin, je sais pas, le hangar, est-ce que vous estimez juste qu'on me dise, demain tu t'en vas, t'es 70 000 euros, tu t'assois dessus, mais moi je suis pas contente, quoi. Donc qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, voilà. Je voudrais que chacun, parce que jusqu'à là on n'a jamais réussi à en parler vraiment, mais moi c'est quelque chose qui commence vraiment à m'agacer, en fait. C'est quelque chose qui est en permanence dans ma tête. Et je voudrais que ça sorte, parce que moi j'ai vraiment besoin d'alléger ma charge mentale. C'est ce qui fait que je fais des burn-out. Et que j'ai besoin de me retrouver. Et aussi pour ce hangar ici, donc il m'appartient, mais en même temps, il est sur la parcelle du GFA. Alors qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Est-ce que je rachète la parcelle? Est-ce que le GFA voudra racheter le hangar? Tu as une idée, toi, sur ce que tu souhaiterais? Moi, je souhaiterais racheter la parcelle ici et racheter le hangar là. Et comme ça, au moins, je récupère aussi tout ce que... Parce que tout ce que j'ai mis dedans, ça va être très compliqué, quoi. Voilà, c'est tout ça que j'aimerais éclaircir avec tous les associés. Pour moi aussi, pour me projeter, parce que là je n'arrive plus à me projeter dans la ferme, parce que je me dis, mais si tout ce que j'investis, c'est demain, au revoir, merci, j'arrête. Tu as exprimé très clairement ce que tu souhaites. Là tu peux, peut-être faut profiter, là comme ça on peut dire, est-ce que quelqu'un est pour, contre, on peut voter aussi, comme ça au moins Oui, mais il faut voir les enjeux financiers quand même. Déjà, ils mettent à plat les chiffres. Moi, je voudrais que le hangar soit estimé, par exemple, par l'agence affaires. Je crois que c'est gratuit, c'est compliqué. L'agence affaires. Qu'il fasse une estimation, c'est lui qui nous l'a vendu. Et comme ça, on part. Moi, je ne le demande pas pour un euro symbolique non plus. Je veux bien le racheter, mais pas non plus une fortune. Et ça aurait des enjeux pour le GFA, ça? Ça simplifierait la tâche du GFA d'avoir que des terres à gérer, parce qu'il n'y aurait pas tous ces trucs de réparation et tout ça. Oui et non, moi je ne connais pas grand-chose. La plupart des GFA, ils gèrent que des terres. Peut avoir une... Pas forcément. Je suis très naïf, je fais bien sûr partie du GFA depuis le début, mais l'idée, donc j'ai envie de dire après Sophie, l'idée c'est que les choses puissent... Que les comme ça se poursuivent. Et j'imagine que c'est plus difficile de soutenir une personne qui va se remettre au travail sur un GFA s'il n'y a pas de bâtiment. C'est une question que je... À terme, en fait, je souhaiterais pouvoir racheter la ferme ou une partie de la ferme. D'accord. Aussi. Oui. Non, mais voilà, c'est important de discuter ça. D'accord. En fait, donc la ferme et une partie de la ferme, donc c'est-à-dire des bâtiments et une partie des terres, alors. Oui, voilà. D'accord. Mais alors en ce moment-là, que devient le GFA? Il n'y en a plus besoin. Soit propriétaire. Soit j'achète qu'une partie, soit évidemment si j'achetais tout, il n'y a plus de GFA parce que je rachète au GFA. Mais vous pourriez investir ailleurs. Parce que nous, moi personnellement, je suis entrée dans le GFA, c'était pour soutenir l'agriculture paysanne et locale. Sachant que le paysan, c'est comme ça que moi je vois aussi avec l'autre GFA comme un peu million, et d'autres à Lanvaudan, mais c'est que quand le paysan finit par aller à la retraite, c'est normal. Parce que l'idée du départ du GFA, c'est d'acheter le foncier pour ne pas que le paysan il passe sa vie à rembourser le banquier. C'est-à-dire que Sophie, elle a acheté la maison, c'est son affaire. mais elle n'a pas eu à porter les 107 000 euros. Enfin, là, on est à 127, 112, non, 124 200 euros, le capital de départ. Ah, mais la ferme coûtait 112 000 euros. Bon. Le GFA a porté 124 200 parce que les 124 200, ça comprend l'achat des terres, les frais constitutifs, les frais de notaire, etc. Hein, donc le GFA, ils ont obligé d'englober tous les frais à la constitution, y compris le droit au bail qui a été fait devant le notaire et tout ça. Tout ça, ça a coûté du sous. Et tout ça est dans l'historique du GFA, de toute façon. Donc, le but du GFA, c'est de libérer le paysan de cette charge financière. Parce que là, les 124 200, elle ne pouvait pas les donner, Sophie, au départ. Le but, c'est tout simplement de permettre que ça se fasse. On te libère le foncier, mais oui, c'est parce que le GFA a acheté les terres qu'elle a pu aussi faire son activité. L'objectif aussi, c'est de préserver les terres. Alors l'idée, c'est, maintenant Sophie, elle a quand même du mal, elle vous le dit, elle a du mal à joindre debout, je ne sais pas, parce que le propriétaire, le GFA, ne demande jamais de compte sur ses revenus. Comme un propriétaire, un locataire, on ne dit pas combien tu gagnes, etc. Mais nous, on fait en sorte que cette activité-là permette à Sophie de vivre de son travail. Bon, elle a dit qu'elle a fait un burn-out, donc ça veut dire que c'est quand même difficile. Il y a des choses qui lui prennent la tête. Nous, on a promis, alors on lui avait dit, ce sera difficile d'en nager, d'en parler, parce qu'on n'a pas mis les choses à plat. Mais on s'engage cette année à mettre les choses à plat et à voir avec Sophie comment faire. Parce que nous, l'idée c'est que Sophie part à la retraite, on propose les terres, elle a le droit de partir à la retraite. On propose, alors déjà, il faudra qu'elle nous dise quand elle compte partir. Et le jour où elle part, pas demain, oui, le jour où elle part à la retraite, qu'est-ce qu'on fait des terres? Parce que si justement elle est intéressée par les bâtiments, et ben nous, comment, comme tu dis Michel, à qui on va pouvoir proposer les terres? Ce sera soit un maraîcher, mais il nous faudra des bâtiments. C'est peut-être possible, mais il faudra des bâtiments. Il faudra des bâtiments. Mais où les mettre? C'est pas évident de les mettre où. Hein. Voilà. Il faut peut-être aussi une maison d'habitation. Et ça, est-ce que tu as le droit de construire? Parce que là, pour l'instant, on lui a donné l'autorisation de construire ces bâtiments-là sur le terrain du GFA. Parce que, vous voyez, c'est des outils de travail intéressants pour elle, pour lui faciliter la vie. Mais ça reste sur la terre du GFA. Non, mais là, c'est pas normal qu'on construise un hangar sur un terrain qui n'est pas à toi. Eh bien, moi non, pour moi non plus, c'est pas logique de le faire comme ça. Mais la co-gérance avait estimé que. On lui a donné l'autorisation. Enfin, en tout cas, c'est compliqué. C'est bien d'en parler à l'AG. Je trouve que c'est bien d'en parler à l'AG. Oui. Et c'est bien de se laisser du temps. Oui. Parce que même si ça prend la tête à Sophie, faut pas que ça lui prenne la tête. Faut que Sophie elle se dise, mais après tout, c'est pas à la minute, quoi. Donc c'est peut-être idiot de dire ça, mais parce que ça n'empêchera pas de se prendre la tête. Mais... En fait, excuse-moi Michel, mais c'est vrai que depuis l'AG 2014, on doit me donner des réponses par rapport à ça, donc c'est pas à la minute. Mais... Là, c'est pas la minute. La minute. Ça peut être demain, ça serait bien, quoi, en fait. Voilà. Enfin, en tout cas, la seule solution, c'est d'en parler. Ouais. Et le problème, c'est que l'année qui vient, la gérance va s'en occuper, mais les associés, on peut aussi donner notre avis. Oui, hein, s'ils ont envie d'avoir mon avis, je suis peut-être d'accord de le donner aussi pendant les discussions que vous aurez. C'est ça qui est compliqué aussi dans la co-gérance, c'est qu'en même temps, on est associé, mais en même temps, on représente plus de 100 personnes. Ouais. Donc on est co-gérant, mais on ne peut pas prendre de décision en réunion de co-gérant. Ben les réunions, elles se prennent en AG. Les décisions se prennent en AG. Mais pour cette histoire de hangar, nous, on avait pensé que cette année, on n'a pas eu le temps. Parce que, alors déjà, il y a eu l'histoire de ces deux années de pandémie, là, qui était une catastrophe pour nous au niveau organisation. Là, on se remet, on se casse le greffe. Allez, encore un mur dans les dents. Et là, pour l'instant, c'est la prise de tête. La prise de tête pour Sophie, la prise de tête pour nous aussi. Mais on a conscience de ça. On a deux vues. Soit on œuvre que pour Sophie, c'est-à-dire Sophie, on a créé le GFA pour aider Sophie à s'installer. C'est ça au départ. C'est toujours ça. Sophie, personne qui garderait après les terres et qui en ferait ce qu'elle voudrait, c'est Sophie en tant que paysanne pour vivre de son activité. Voilà, Et après, elle va à la retraite, et c'est un autre paysan qui prend le relais. Voilà. Alors, comme elle dit, le problème, c'est qu'il y a la partie où elle habite. Donc, ça veut dire que soit elle décide de faire sa retraite là, donc elle se retrouvera avec un paysan qui va utiliser le hangar qui sera à côté. Donc, vous voyez, c'est ça qu'il faut qu'on voit, comment on peut simplifier les choses. Est-ce qu'elle va accepter qu'il y ait une autre personne qui utilise les hangars? Est-ce que c'est possible ou pas? Et on peut mettre un compteur électrique dans le hangar, enfin ça se met facilement. Mais tout ça va être mis à plat. Et on va voir avec Sophie, qu'est-ce qu'elle veut dans l'avenir garder? Si elle va à la retraite, est-ce qu'elle veut rester vivre, habiter là? Ou est-ce qu'elle veut tout vendre? Ou si elle... ou même avant qu'elle aille à la retraite, est-ce qu'elle souhaite des changements? Oui, voilà. Oui, par exemple, tous les arbres que j'ai plantés, qu'on a plantés aussi ensemble, Michel, moi j'aimerais bien en profiter, un jour me poser et voilà. Donc ça veut dire que tu veux rester dans la ferme, en c'est fait. C'est ça, oui. Donc, alors, voilà. Après, on a... Je ne jamais la retraite, en fait. Qu'on a fait ce travail-là, de choses de mise à plat, on vous en parle l'année prochaine à l'AG, et on vous dit, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez que le GFA... on estime que de toute façon il y a les valeurs sur le tableau. Et Sophie, elle achète les terres, la ferme et le GFA s'arrête. Ou alors Sophie, elle garde une partie du hangar, etc. Où on fait des échanges de terres. On avait parlé de ça aussi. Échanges de parcelles. Et que ce qui restera au GFA, on le proposera à un maraîcher. Il y a plein de jeunes qui cherchent des terres pour le maraîcher. Oui. Voilà. Mais on ne peut pas vous faire de proposition pour l'instant tant que... Oui, Bernard. Non, juste là aussi, je suis néophyte, mais Sophie parlait des travaux qu'elle avait fait dans le... Oui. Alors que ça appartient au GFA. Oui. Il me semble, mais je me trompe peut-être, que normalement, les travaux d'entretien ou d'amélioration, c'est au propriétaire de les prendre en charge. Ouais. Donc là aussi, il y a quelque chose qui s'est fait. Alors peut-être que tout le monde a fait pour arranger les choses. C'est ça, depuis le début, en fait, on a fonctionné comme ça. Ah ouais, ça et donc, à un moment, bien. Moi, je me dis, mais en fait, à la fin, juridiquement, j'ai besoin de réponses par rapport à ça. Parce que j'ai des décisions aussi à prendre. Voilà, moi, je veux avoir des réponses par rapport à tout ça, que ça soit clair pour tout le monde. Qui fait quoi, à qui et à quoi. Enfin, voilà, c'est normal. Parce que là, dans le travaux, là, si on regarde le bilan à l'actif, tout est marqué là, parce que les travaux qu'on a fait de réfection des gouttières et tout, enfin du toit, ça passait en charge. On s'était engagé d'ailleurs, c'est marqué noir sur blanc dans les comptes rendus, dans le budget prévisionnel, on prévoyait 200 euros de travaux de gouttières, etc. Ça passait en charge. Sauf que à l'achat, il y a eu quand même il y a eu 6 000, il y a même les plantations d'ailleurs qu'on a payées. On a à peu près 643 euros de plantation, donc 3 et 3, 6, bon, on va dire 7 000 euros de travaux sur le hangar que le GFA a payé, plus les 6 000 euros qu'on a mis l'année dernière, on est déjà à 13 000 euros. Oui, mais Sophie a mis 70 000. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc il y a les 13 000, mais il y a les 13 000 de réfection, parce qu'il a fallu mettre de l'électricité, parce qu'en tant que propriétaire, quand Sophie est arrivée, le hangar... Il fallait le mettre à l'époque. C'était ce qui était dit là. Mais ce que je veux dire, c'est que le GFA a déjà pris en charge une partie. Enfin, il n'a pas pu louer à Sophie un bâtiment qui était impropre à la location. Tout à fait. On a déjà eu des frais. Tout à fait. Pour le GFA, on a déjà eu des frais. C'est et ça, c'est après, normal. Elle a eu des frais parce qu'elle a installé son labo et tout ça. Donc, normalement, dans le bail. Les frais que Sophie a faits, le GFA a lui payé si ces frais-là sont à notre charge à nous. C'est marqué dans le bail. Tout ça écrit noir sur blanc. Donc, oui, à chaque fois qu'un fermier est en bail, il y a une évaluation et tout ça. Moi, je voudrais savoir. Mais Sophie ne veut pas partir. Sophie veut rester. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on règle. Eh bien, voilà. Une bonne année 2022. Vous pouvez y réfléchir. C'est une belle aventure humaine. Non, mais voilà, vous pouvez y réfléchir. C'est-à-dire, est-ce que vous acceptez que le GFA s'arrête C'est-à-dire que, bah voilà, on a été. On n'en est pas là, on n'en est pas là. On n'en est pas là du tout. Hein. Non, mais on lance. Ça peut être un échange de parcelles, ça peut être voilà, d'autres choses. Non, ça simplifie, on change les choses en fait. Mais est-ce que c'est possible pour toi? C'est ça aussi. Concrètement, financièrement. Oui, bah là, c'est pas là, je pas là. Parce qu'alors, on fait des échanges de parcelles, ou si j'achète une parcelle, c'est ça qu'on a. Mais bon, bah tout est offert, hein. Bon, bah c'est notre projet pour l'année prochaine. Voilà. Non, cette année. Cette année. Pour l'AG. Pour moi, la priorité, c'est le cannabis. Déjà, oui, oui. Si on l'a, il faut exister. Non, mais d'ailleurs, on s'organise pour rencontrer les élus, là. Hein. Franchement, moi, j'ai envie de faire un... Non, mais nous, on peut aller. Hein. Sur l'installation, enfin, le coût des panneaux solaires, là, sur lequel elle s'est assise, il y a une demande de fait à l'Europe. Ça a été creusé, ça. Bon, on va aller voir un coup. Mais du coup, il faut qu'on signe quand même ça. Il y a un truc à faire. Sinon, il y a moins de choses. Je crois que je vais faire un burn-out. C'est pas loin. Non, non, boire un coup, c'est mieux. Ouais. Allez. Attention, avant de vous lever, une question. Il y a encore une dernière chose. Il va falloir que vous veniez ici avec Marie et que vous signiez dans la colonne mandataire, donc celle qui est complètement à droite, en face du nom des procurations. Et à la fin de la journée, le détail exact du quorum.